Chérie, s'il nous arrivait quelque chose, comment on ferait pour payer les charges? Les études des enfants? On pourrait protéger notre famille pour moins de 6 euros par mois. Non mais je te parle sérieusement là. Moi aussi. Avec Sécur Famille 2, sécurisez financièrement l'avenir de vos proches en prévoyant le versement d'un capital garanti. Caisse d'épargne, vous être utile. Contrat d'assurance d'essai de BPCE Vie et BPCE Prévoyance, entreprise régie par le Code des assurances, distribuée par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS. Cotisation pour un assuré de 35 ans et 30 000 euros de capital garanti en formule optimale, selon conditions et exclusions contractuelles en vigueur. En morale, les règles à suivre sont nombreuses. Selon que vous privilégiez le bien, le plaisir, le bonheur ou le vrai, les normes à suivre pour agir normalement, moralement, vous conseilleront parfois des voies contradictoires. Voilà pourquoi certaines questions sont de véritables dilemmes insolubles. Voilà pourquoi des phrases en apparence anodines peuvent déchirer des consciences et mettre un terme à des liens d'amitié jusque-là indéfectibles. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une heure pour essayer de nous demander s'il faut toujours dire ce que l'on pense, si la vérité est toujours bonne à entendre, ou plus précisément encore, s'il faut dire à votre meilleur ami que son compagnon la trompe avec un autre homme la veille de son mariage. On aurait dû s'en douter. La demande en mariage au bout de 6 mois, les petits déj jolis, la galanterie, tout ça, mais c'était évident que son côté féminin. Oh, mais quelle crapule. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Maxime est gay. Bon, on fait quoi? Mais on la lui coupe. Et on dit toi, Yael. Mais jamais de la vie. Mais tu dois, toi, lui dire oh, Yael, ma chérie, t'as vraiment la poisse. T'es orpheline depuis tes 11 ans. Ben t'a quitté sans explication. Et maintenant, pas de pot, ton fiancé parfait préfère les hommes. Je pense qu'il faut laisser une chance à ce mariage. Si on parle, y a plus de mariage. En revanche, si on se tait. Si on se tait quoi? Développe. Ok, option 1. Maxime quitte Stéphane, épouse Yael, oublie sa petite aventure. Ils font des enfants, tout va bien pour eux. On a bien fait de se taire. Carrément. Option 2, Maxime quitte Stéphane, il épouse Yael, mais la quitte après le mariage. Ah bah alors là, on aurait dû parler. Dans ce cas, on fait comme si on découvrait son homosexualité. Quoi? Option 3, on dit à Maxime de se rendre insupportable pour que Yael le largue. Yael ne larguerait même pas Dark Vador. Non mais parce qu'il y a aussi l'option de merde, hein, où Maxime veut épouser Yael et rester avec Stéphane. Dans ce cas, on l'empêche d'épouser un PD et on lui dit tout. Bah oui, mais enfin, faut savoir, faut lui dire ou faut pas lui dire? Faut pas lui dire. Bonjour Monique Antos-Perber. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. C'est un grand plaisir pour moi. Également, vous êtes philosophe et directrice de recherche au CNRS. Vous avez écrit plusieurs ouvrages de philosophie antique, philosophie morale contemporaine. J'ai sous les yeux notamment « L'inquiétude morale et la vie humaine ». Un livre d'ailleurs qui donne des éléments de réponse pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui, qui est un vrai dilemme moral. C'est pas exagéré de dire ça, Monique Antos-Perber. Il y a en effet des obligations contradictoires, celle de parler et puis celle de se taire. Alors, faut-il dire à son meilleur ami ou à sa meilleure amie que son futur conjoint le trompe? Eh bien, à mon sens, non. Il n'existe aucune obligation absolue de parler ni de tout dire. Il y a des obligations, mais des obligations partielles qui dépendent des contextes. Mais un mot d'abord sur l'absence d'obligation absolue. Il y a des circonstances où se taire est un devoir aussi impérieux que celui de parler. L'obligation de l'omission des propos est tout à fait connue. Sous la torture, on ne parle pas, on doit se taire. Donc il n'y a aucune obligation de parler, il n'y a pas plus d'obligation générale de parler que de dire tout ce qu'on pense, que de faire tout ce qu'on peut. Alors, ce qui est intéressant dans les cas présents, c'est d'examiner un peu le détail des raisons pour lesquelles certains pensent qu'on doit parler. D'abord, l'idée du devoir absolu, elle n'existe pas. Il y a des devoirs sous condition dans certaines circonstances. Mais là, en particulier, pourquoi faudrait-il parler? D'abord, il faut entrer dans le détail de la situation. Comment la personne concernée a-t-elle appris que le futur marié ou la future mariée était déjà engagée dans une liaison? Soit c'est une information qu'il vient d'avoir, et dans ce cas-là, bien sûr, il faut la divulguer, parce qu'il était accidentel qu'elle soit connue de quelqu'un d'autre, elle aurait pu être connue du futur marié. Mais, ou alors, il est beaucoup plus impliqué dans l'histoire. Il peut être, après tout, l'amant ou l'amante de la personne qui va se marier, en tout cas qui va être épousée. Dans ce cas-là, on touche à quelque chose qui est très, très, très caractéristique des dilemmes moraux. C'est qu'il n'est pas simplement question de devoir. Il est aussi question d'intérêt, et un intérêt qui engage la personne. Alors, obligation de parler, non. Alors, on peut avoir une obligation à l'égard de soi-même de parler, par crainte que l'ami ensuite vous le reproche. « Ah, j'ai découvert qu'elle me trompait, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» ou bien par souci de garder une image totalement intègre de soi-même. Dans ce cas-là, on aurait un devoir d'irréprochabilité à l'égard de soi-même. Mais vous voyez qu'on s'éloigne de l'idée d'une obligation purement morale de parler. Et puis, il y a aussi des considérations qui n'ont plus trait au devoir, mais qui ont trait au bien de l'ami. Au bien de l'ami tel qu'on l'imagine. Avec l'idée que, au fond, on se retrouve face à, là, un deuxième dilemme dans le dilemme. Comment est-ce qu'on définit le bien de quelqu'un ? Est-ce que c'est la sensation qu'il en a, la connaissance qu'il en a ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus abstrait ? Alors, la première option, mon bien, c'est ce que je sens être mon bien. Au fond, si j'ignore cette liaison et puis qu'elle disparaît, ça n'a aucune importance, ça n'aura pas affecté mon bonheur et autant rester comme ça. Ou bien alors, on décide que on s'occupe du bien d'une personne quand on fait en sorte qu'il n'y ait même si la personne n'est pas consciente d'un malheur, par exemple qu'elle est trompée, le fait que ce malheur ou que ce mal appartienne à sa biographie est un mal objectif, même si elle n'en a aucune conscience. Donc dans ce cas-là, quelle que soit l'opinion de la personne, on va lui dire, on va lui asséner une vérité. Mais vous voyez que c'est intenable. Pourquoi dirait-on par exemple à quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui épouse la femme avec qui il vit depuis 20 ou 30 ans, qu'elle l'a trompé? Oui, à quoi ça arriverait? On ne ferait que le blesser. Ouais. Alors peut-être qu'on aurait une conception satisfaisante du fait que, comme ça, il sait ce qu'était son bonheur, la réalité de son bonheur, mais le vécu de ce bonheur aurait été intégralement détruit. Alors, ce serait une cruauté extrême. Ce que vous êtes en train de dire, Monique Kantosperber, c'est qu'il n'y a pas de réponse a priori, que la réponse à cette question-là, comme à toute forme de dilemme moraux, sans doute, même si on a pris un cas particulier très précis, intentionnellement, pour essayer de voir jusqu'où ce dilemme peut tenir ou jusqu'où, en fait, il faut le trancher, eh bien, que la réponse à ce dilemme-là ou la solution se trouve dans des cas particuliers, dans le contexte, et qu'on ne peut pas décider a priori. Je vous propose, pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ce dilemme, qu'on évoque ensemble différentes approches, qui est l'approche déontologique, l'approche conséquentialiste. Par exemple, quelqu'un qui serait, disons, kantien, qui aurait une approche de la morale kantienne de cette question-là. Que dirait-il ? Il dirait, il ne faut jamais mentir, tu dois dire la vérité. Alors, c'est la première option que nous avons vue, c'est-à-dire le devoir absolu de dire la vérité. On ne doit pas mentir. Quel que soit le contexte, ça veut position dire... Position que Kant a défendue, dans un prétendu droit de mentir par Humanité, qui est paru en 1797, et qui répondait d'ailleurs à un texte de Benjamin Constant traitant du même sujet. Mais là, il s'agissait d'une question un peu différente. Il s'agissait de savoir, lorsqu'on vous interroge, si vous dites la vérité ou si vous mentez délibérément. Dans le cas que vous nous avez proposé, ouais, c'est pas tout à fait la même chose. On parle spontanément. Mais pour en revenir au droit de mentir, en général, ce qui amène en tout cas Benjamin Constant à récuser un droit de mentir, c'est-à-dire une obligation déontologique qui soit liée au devoir de mentir, c'est le fait que la vie commune, la vie sociale serait impossible, parce qu'on ne peut pas gérer l'exhibition de la vérité constamment et venant de tout le monde. Le deuxième argument serait que le droit de mentir, les droits s'articulent au devoir, donc s'il y a un droit, s'il n'y a pas de droit de mentir, ça veut dire qu'on a en réciproque un droit à entendre la vérité, or un tel droit n'existe pas, évidemment, et d'autres arguments du même type que Kant s'occupe de réfuter. Mais ce qui est très intéressant dans cette réponse en termes de devoir, il y a un droit de mentir, c'est qu'on ne peut en rester à un droit. Il n'y a pas de droit de mentir, il y a un droit de dire, il y a une obligation de dire la vérité, c'est qu'on ne peut en rester à une obligation universelle et générale. Il y a d'une certaine manière, une obligation de dire la vérité. Mais elle est relative à un contexte de communication. C'est parce que si vous voulez, on ne parle pas tout seul, on parle à quelqu'un. Et dès qu'on parle à quelqu'un, on parle dans un contexte, on parle à une personne, on suppute les réactions de la personne. On a soi-même des intérêts à parler. Ne croyez pas que le devoir de vérité soit un devoir chimiquement pur. Il est pétri d'intérêts personnels. On a toujours envie, en quelque chose, d'avancer sa cause, ou de n'avoir rien à se reprocher ultérieurement à soi-même, ou bien alors de faire en sorte que la personne agisse conformément à ce qu'on souhaite. Donc il n'y a pas de morale sans intérêt, bien compris, vous dites ? Il n'y a pas de morale sans intérêt, bien compris ou pas, ça c'est une question dont la réponse dépend de chacun. Mais en tout cas, l'idée qu'un devoir de parler s'imposerait à l'individu et en quelque sorte éradiquerait toute cette pâte de passion, de désir, de fantasme qui fait que les relations à l'autre sont véritablement réelles et vivantes. Ça, c'est une vue d'esprit. Donc la première perspective, la perspective déontologique, le devoir de parler, le devoir de dire la vérité, n'a d'abord pas de sens quand il est pris de manière absolue, et quand il est pris relativement à un contexte, il impose en quelque sorte d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire pas simplement le devoir, mais la situation, les intérêts, les buts, les conséquences. Si cette fois on prend en compte non pas la vérité comme valeur absolue, mais le bien-être de chacun comme valeur absolue, on arrive dans une approche qu'on pourrait appeler conséquentialiste ou utilitariste, voire, c'est-à-dire il faut dire la vérité à quelqu'un si ça ne lui fait pas de mal. Alors, si ça lui fait pas de mal, ou si ça lui fait un mal qu'on estime être son bien, parce que c'est ça qui est tout à fait redoutable et ambigu dans le souci de dire la vérité, c'est qu'en général, comme la personne ignore ce dont on va lui parler, elle ne peut pas donner son avis sur l'opportunité qu'il y a à être informée. Donc, on dit, bien sûr, c'est une formule que nous avons peut-être tous prononcée, mais je te dis ça pour ton bien. Mais de quel bien s'agit-il ? Du sien ? Ou du bien qu'on, par rapport à soi-même, c'est-à-dire d'image qu'on veut se donner à soi-même, ou bien alors de l'idée, tout simplement, qu'on se fait de soi-même, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, une mesure de prudence, on ne pourra jamais me reprocher de ne pas avoir parlé. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, la notion de bien d'autrui ou de conséquences positives devient quand même un peu trouble. Elle n'a pas la pureté de l'altruisme qu'on voudrait y reconnaître. Donc, quand on dit je te dis ça pour ton bien, de quelle conception du bien parle-t-on ? C'est ça. Du bien tel que tu le vis subjectivement, cette somme de plaisir, de satisfaction, la bonne représentation vécue de ta vie, ou le bien tel qu'il est défini, rapporté à un modèle extérieur. Par exemple, le bien d'une vie amoureuse, c'est de ne pas avoir été trompé par celle qu'on aime, bien sûr, ou celui qu'on aime, ça va de soi. Donc, même si tu ne sais pas que tu as été trompé, et que tu te considères très heureux en amour, eh bien moi je dis que tu n'es pas heureux, puisqu'il y a quand même cette tromperie dont je suis informée, et que toi tu ignores, mais elle détériore ton bonheur d'un point de vue objectif. Non pas subjectif, parce que tu n'en as aucune conscience, mais d'un point de vue objectif, parce que ça existe. Et au nom de ton bien, que je définis comme un bien objectif, je vais t'asséner cette vérité. Alors il est vrai qu'à certains moments de la vie, ça peut être acceptable et ça peut avoir des conséquences positives, mais à d'autres moments, ce n'est qu'un acte de pure et simple cruauté, comme celle que j'ai évoquée à une personne mourante qui se marie quelques jours avant son trépas. On ne dit pas les trahisons dont elle a été victime et qu'elle ignore. Un des philosophes qui opposerait sans doute un non franc et massif à ce dilemme, c'est Bertrand Russell, que vous citez dans votre livre, Monique Anthos-Perber, « Sans foi ni loi ». Lui, il est dans une perspective qu'on peut appeler conséquentialiste. Il prend en compte le bien-être de chacun. Et dans son essai « Le mariage et la morale », publié en 1929, il prend la défense des liaisons extra-conjugales. Il écrit ceci: les deux termes adultère et fornication expriment une réprobation morale si considérable qu'il s'avérera difficile, aussi longtemps qu'on les emploiera, de penser clairement. Il faudrait plutôt se servir d'expressions plates et neutres comme relations sexuelles extramariales. Cet extrait est génial parce qu'il montre l'importance accordée aux mots, au vocabulaire dans cette situation. C'est pas le problème moral qui l'occupe, c'est le problème du langage. Cette dénomination, comme disait Camus, on ajoute au malheur du monde en nommant mal les choses, eh bien, ramène des réalités qui sont lestées d'évaluation morale implicite, qui essaient de se rendre invisibles, on le ramène au fond à une simple description des faits. C'est-à-dire, on dégage la couche de l'évaluatif, comme disent les philosophes, qui recouvre toutes les réalités pour arriver au noyau du descriptif, au fond. De quoi s'agit-il ? Et évidemment, toute investigation philosophique en morale, en général, commence comme ça. Débarrassons-nous des mots, des évaluations, de tous ces jugements de valeur dont on n'a même plus conscience, et décrivons concrètement de quoi s'agit-il, de quoi il s'agit, essayons de le transposer dans d'autres contextes, et voyons ce qui est moralement problématique. Bon, je referme cette parenthèse. Alors, ce qui est étonnant dans cette publication de Bertrand Russell, philosophe qui a eu vraiment un rôle considérable dans les théories de la connaissance, philosophe britannique, pur produit de l'université britannique, et qui par ailleurs était un libre penseur et un pacifiste, et qui a été un militant en particulier contre les armes nucléaires. Eh bien, Bertrand Russell publie très tôt ce livre sur le mariage et la morale, où il insiste en effet sur le fait que dès qu'on dégonfle toutes ces notions et qu'on se débarrasse de la réprobation intrinsèquement incluse dans l'utilisation du terme adultère. On n'a affaire que ça, qu'à un autre lien à côté du lien conjugal. Et il considère, du reste, ce qui est étonnant, c'est que la position de Russell est associée à un strict moralisme, c'est-à-dire qu'il considère qu'on ne quitte pas son épouse ou son époux tant que les enfants n'ont pas atteint une vingtaine d'années. Ah, il le dit clairement. Il le dit clairement. Il a un mode d'emploi. Après, on est libre, mais on a le devoir, le mariage, le lien conjugal est un devoir de protection de la famille et de l'enfant. Et dans mon livre, j'analyse avec un peu d'ironie cet étrange contrat qui est sous le couvert de la liberté, mais en général l'épouse, puisque c'est elle qui le plus souvent se trouve quittée, dans cette situation, au fond, de fin de relation programmée. Et le parcours d'une vingtaine d'années qui est à parcourir jusqu'à l'âge adulte des enfants, eh bien, est jalonné de tromperies en quelque sorte autorisées. Et je m'interrogeais sur la qualité du lien humain que ça permettait de forger. J'avais les plus grands doutes à l'égard de cette qualité. Oui, d'autant que lorsqu'on tient cette position et qu'on privilégie le bien-être sur la vérité, on va dire, on tombe dans une forme de subjectivisme. Au fond, c'est là, en l'occurrence Bertrand Russell qui décide qu'il est mieux pour ses enfants que les parents restent ensemble, y compris lorsqu'ils ont des relations extra-conjugales. Mais ça n'engage que lui, au fond. Il ne peut justifier cette position que par sa propre conviction. Oui, ça n'engage que lui. Et surtout, il fait l'hypothèse de l'accord intégral, évidemment, puisque c'est justifié par les meilleures raisons de son épouse. Mais il y a aussi dans ce texte, alors là je passe à l'autobiographie de Bertrand Russell, oui. un épisode assez étonnant où il raconte comment, lors d'une promenade en bicyclette, Il s'est arrêté, a brusquement réalisé qu'il n'aimait plus sa femme. Et cette espèce de scène de la révélation, la conscience que l'on prend d'une réalité qu'on porte en soi depuis un moment, est présentée, alors là, avec une sincérité tout à fait stupéfiante, et évidemment, il va le lui dire dès qu'il rentre chez lui, avec la même évidence, naïveté, ingénuité qu'il raconte. Et ça, ça nous ramène à notre scène initiale, au dilemme que vous m'avez proposé dès le début de l'émission. Si vous voulez, on parle pour être entendu. Il y a des circonstances où on peut parler et parler et parler sans être entendu, parce que l'autre n'y est pas prêt et l'autre ne veut pas l'entendre. Vous direz, rappelez-vous la scène finale de Certains l'âme chaud, où après avoir multiplié les moments où un homme déguisé en femme est arrivé à séduire un milliardaire qui veut absolument l'épouser, et celle qui se retrouve dans cette celle ou celui qui se retrouve dans cette position de sexe différent de ce qu'on croit et essaie de repousser la demande de mariage. J'ai un problème avec l'alcool, j'ai un problème avec les cigarettes, je ne sais pas danser, toutes sortes de choses, jusqu'au moment où elle déclare « Mais I am a man, je suis un homme ». Et on connaît la réponse célébrissime de Stouge, « Nobody is perfect ». C'est-à-dire, on ne peut rien entendre. Les capacités de rationalisation qui permettent l'éviction des dissonances, comme on dit en philosophie, en rester de manière névrotique à la cohérence de ses pensées et de ses raisonnements, est vraiment une des grandes puissances du psychisme humain. Donc, on ne parle, ça sert à quelque chose de parler, de dire quelque chose de très douloureux et de très affreux, s'il y a un cheminement intérieur de la personne qui, en quelque sorte, est prête à l'entendre. Alors là, on est au cœur du sujet, parce qu'au sein de ce dilemme moral, se sont soulevées beaucoup de questions qu'on va essayer de déplier ensemble, et notamment qui sont liées à la sincérité. Vous venez d'employer le terme. La sincérité est-elle toujours de mise? Est-elle une vertu à suivre lorsqu'on est dans le cadre d'une conversation amoureuse ou amicale? Et je vous propose qu'on remonte dans le temps et qu'on essaye d'envisager les différentes façons qu'a eu l'éthique d'évoluer aussi au cours des textes et au cours du temps. Voici un texte de Sénèque dans sa lettre à Lucilius qui semble affirmer que ce que je pense, il faut le dire, mais le lien que j'entretiens avec les choses que je pense peut lui-même évoluer, ce qui fait que la sincérité à l'égard de moi-même n'est pas toujours proportionnelle à celle que je dois à autrui. Voici le texte. Lucilius, tu te plains du style trop peu apprêté de mes lettres. Mais qui donc parle avec apprêt ? S'il ne veut être un insipide parleur. Comme dans ma conversation avec toi, soit assis, soit en promenade, il n'y aurait ni travail ni gêne. Ainsi je veux que soient mes lettres. Qu'elles n'aient rien de recherché, de factice. S'il était possible, je voudrais te montrer à nu ce que j'ai dans l'âme plutôt que te le dire. La discussion la plus vive ne me ferait ni frapper du pied, ni agiter les bras, ni renforcer ma voix. Je laisserai cela aux orateurs et me contenterai de te transmettre mes pensées sans vain ornement, comme sans platitude. Il n'est qu'un point dont je sois jaloux de te convaincre, c'est que je pense toutes les choses que je dis et que non seulement je les pense, mais que je suis passionnée pour elles. Autre est le baiser qu'on donne à une maîtresse, autre celui qu'on donne à un fils. Et toutefois, ce baiser si chaste et si pur manifeste assez la tendresse d'un père. Ô Dieu, ne plaise que je condamne à la sécheresse et à la maigreur nos entretiens sur ces grands sujets. La philosophie ne divorce point avec l'imagination. Il ne faut pas dépenser trop de travail en paroles. Il faut avoir pour but essentiel de parler comme on sent, de sentir comme on parle, de faire concorder son langage avec sa conduite. Il a rempli ses engagements, celui qui, à le voir et à l'entendre, est toujours le même. Avant de juger quel il est, ce qu'il vaut, voyons s'il est un. Une éthique minimale, c'est une éthique qui renonce à se poser la question, disons, du sens de la vie. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Est-ce que certaines vies sont meilleures que d'autres, etc. Puis à partir du moment où on a mis ça de côté, qu'un gros bloc de ce qui a fait l'objet de la morale, c'est-à-dire d'une sorte de morale perfectionniste qui a pour ambition de contribuer au développement personnel de l'homme, indépendamment d'ailleurs de son rapport avec autrui, eh bien alors cette morale devient pauvre, elle est minimaliste. Que lui reste-t-il? Je pense qu'à chaque fois qu'on essaie de se poser la question de savoir pourquoi une vie de philosophe, par exemple, est meilleure qu'une autre, il y aura toujours un moment où on dira c'est dans son rapport à autrui. Donc j'ai voulu isoler l'élément que j'appelle éthique, qui est celui du rapport à autrui, avec ses principes, donc d'essayer autant que possible d'éviter de le faire souffrir, de l'humilier, etc. Et de considérer également la voie et les intérêts de chacun. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et cette semaine, nous examinons quatre dilemmes moraux ou logiques qui sont autant d'occasions de se fâcher entre amis pour mieux se réconcilier. Aujourd'hui, faut-il dire à son meilleur ami que sa femme le trompe la veille de son mariage? Autrement dit, toute vérité est-elle bonne à dire? La sincérité doit-elle toujours être de mise dans les relations amoureuses ou dans les conversations amicales? Et vous venez d'entendre un texte de Sénèque. Une lettre à Lucilius de Sénèque, lue par Elsa Lepoivre, et la voix de Ruven Ogien, c'est toujours une émotion de l'entendre. C'était diffusé en 2004 sur France Culture, la suite dans les idées. Monique Cantos-Perber, de Sénèque à Ruven Ogien, on a un panel extrêmement large de l'évolution de ce qu'on peut appeler l'éthique, qui n'est pas exactement la même chose que la morale, mais qui produit des textes de philosophie qui sont passionnants. Est-ce qu'on peut faire une histoire de l'éthique? Est-ce que les relations entre les individus, d'un point de vue éthique, ont évolué au fil des ans et au fil des siècles? Ce qui est étonnant, c'est que, au fond, dès l'Antiquité, les principaux thèmes de la réflexion morale sont fixés. En particulier dans une sorte de confrontation avec une génération de décalage entre Platon et Aristote. Platon est extrêmement soucieux d'un certain objectivisme en morale. Il y a un bien, une sorte de perfection interne et des comportements, des manières d'agir, de la façon dont on se tient par rapport à soi-même et qui reste une norme par rapport à laquelle les choses peuvent être jugées. Chez Aristote, il y a beaucoup plus de soucis de la pluralité des circonstances. Enfin, comme il dit, le bien se dit en plusieurs sens. Ce n'est qu'ultérieurement, à partir de la fin de l'Antiquité, qu'on verra apparaître des conceptions plus subjectivistes où la réalité, au fond, n'est rien d'autre, en particulier la réalité du bonheur, n'est rien d'autre que ce que la personne vit comme un bonheur. Et c'est véritablement l'époque moderne qui affirmera la valeur de ce subjectivisme. Mais il reste qu'on a déjà une palette de différentes options possibles. L'ordre, l'objectivité, la loi, la règle, il y a des formes de ce qu'on appelle de prescriptivisme, c'est-à-dire de pensée de la loi, déjà dans l'Antiquité, un souci de l'accomplissement personnel, de la perfection, du bien, de l'idée de la bonne vie, de la vie réussie, pour reprendre l'expression qu'utilisait Ruven. Et puis, par ailleurs, un souci de rapporter le bonheur, le bien-être et tout le bien auquel un être humain peut avoir accès à la richesse de ses sensations, de ses sentiments et de sa vie personnelle. Donc, d'une certaine façon, tout est en place. Mais ce qui m'a frappé dans le texte de Sénèque, c'est à quel point, sous son allure assez moderne, d'une certaine façon, « mettre mon âme à nu devant toi », te dire ce que je pense, qui pourrait faire penser à Rousseau, au fameux incipit des confessions, la peinture d'un homme, la peinture vraie d'un homme, une peinture sans détour, avec tout ce que ça peut avoir, d'une certaine manière, de jouissance aussi, de l'exhibitionnisme. Et cet homme, ce sera moi, dit-il. Cet homme, ce sera moi. C'est-à-dire, ce fait tend toujours, en fond, à se transformer, sa propre confession en une sorte d'exemplaire de l'humanité. Mmh. Donc ça a vraiment une volonté qui est très qui transcende tout ce qu'il peut y avoir de particulier dans une existence humaine. Alors chez Sénèque, on trouve ce thème de la sincérité, de la générosité. Parler haut et fort, dire ce qu'on est, c'est une vertu dans l'Antiquité. C'est l'ingénuité, la possibilité d'exposer son âme, la qualité de son âme est quelque chose qui est en tant que tel une vertu. Ça fait partie des vertus personnelles, de la perfection du rapport à autrui. Et il y a surtout aussi ce que Sénèque réclame, c'est d'abord le refus des artifices, bien sûr, mais aussi le refus que son caractère soit rangé dans des modèles de caractère. Dans l'Antiquité, il existait des modèles de caractère. D'ailleurs, dans le théâtre antique, les acteurs portaient des masques qui indiquaient les caractères qu'ils incarnaient. Il n'y avait pas toute cette épaisseur et ce continuum psychologique que nous avons. Donc c'est ce que Sénèque réprouve, mais il a quand même l'idée qu'on ne se trompe pas soi-même, que lorsqu'on dit ce qu'on pense, on est dans un rapport acquis à la vérité. Là, il est certain que... La vérité est indexée sur la sincérité. Que notre modernité a plongé tout cela dans une eau extrêmement trouble. La notion de self-deception, c'est-à-dire de capacité à se tromper soi-même, de multiplier les raisonnements logiques. Oui, deception, c'est un faux ami. Hein. En anglais, c'est la tromperie. C'est la tromperie. La capacité à se tromper soi-même en multipliant les justifications rationnelles est tout de même quelque chose qui est remarqué depuis longtemps et qui a été très, très analysé chez les philosophes du langage et de la connaissance, les philosophes contemporains. Par ailleurs, n'oublions pas que la psychanalyse aussi repose tout entière sur l'idée que quelque chose a été refoulé, un magma de paroles qui traduisaient des expériences vécues ont été refoulées, que quand ça ressort, c'est extrêmement toxique, et que d'une certaine façon, il faut parler, mais parler pour ne rien dire, d'une certaine manière, pour que tout ça puisse, peut-être pas se clarifier, mais en tout cas ne plus jouer le rôle envahissant que cela peut avoir dans le psychisme. Et ce qui me frappe aussi, c'est que, puisque vous me posez une question historique, c'est que ce passage de la grandeur de la parole vraie, parce qu'on met son âme à nu et une âme ordonnée, est un magnifique spectacle où il n'y a d'une certaine manière... Il pourrait n'y avoir que du bien, qui est vraiment une idée fondamentale de la morale antique, qui explique son caractère lumineux, solaire, et quand même en position, de nette opposition avec, disons, la pensée chrétienne, où la pureté initiale de l'âme est troublée par un péché originel qui est là et qui est une tâche indélébile. Alors, je dirais, ça existe aussi dans le judaïsme, la faute d'Adam et d'Ève, mais ça n'a pas du tout ce même rôle de condamnation. Ça a plutôt, dans le judaïsme, un statut d'ouverture vers le langage et d'ouverture vers la reconnaissance de l'altérité. En tout cas, il y a, à partir de... une conception chrétienne, en tout cas de certaines questions du Christ, certains aspects du christianisme, dans l'exposition du cœur à nu et dans la sincérité, quelque chose qui est une suprême épreuve de mal, d'exposition de sa faute, avec l'espoir d'une rédemption, bien sûr, mais pas toujours. Mais sans aller jusqu'au péché originel et l'hypothèse d'un mal inhérent à l'existence humaine, on peut aussi partir du principe, rétorquer à Sénèque, que si on tient pour seul critère de l'éthique et de la conversation avec autrui la sincérité, on s'expose à beaucoup de choses. On ne peut pas entendre tout ce que les gens pensent de nous. C'est absolument insupportable. Ça donne lieu à des scènes qui sont soit très drôles, soit très cruelles. Je rebondis sur ce que disait Ruven Olgien sur l'éthique minimale, à savoir l'éthique minimale, c'est pas se poser la question du sens de la vie, qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie, mais privilégier peut-être l'intérêt d'autrui en bonne entente avec le mien. Là, c'est plus du tout la sincérité. C'est est-ce que j'ai raison de lui dire ça en fonction du bien que je voudrais lui faire au fond. Là, on est dans une autre perspective qui paraît plus réaliste. Sénèque parle de dire ce qu'on pense. Ouais. Il ne parle pas de dire tout ce qu'on pense. Il y a une nuance, vous pensez? Ah, il y a absolument une nuance. C'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est ce qui, en tout cas pour même si Sénèque, c'était quand même une antiquité tardive et on est déjà dans une prédication stoïcienne qui est très proche du message chrétien, il y a tout de même cette idée de la noblesse intérieure qui peut supporter la lumière crue de la révélation. Il n'y a pas cette conviction d'une âme toujours tachée par un péché qui sera proche du christianisme et où tout dire est un véritable enjeu pour débusquer les coins d'obscurité. C'est la confession. Chez Sénèque, il n'y a pas cette idée-là. Même si c'était tout dire, ce serait exposer une clarté. On est dans une conception qui est très différente du christianisme. Mais cela dit, votre remarque me paraît extrêmement féconde, en effet, apprécier ce qui est bien pour l'autre, ce qui sera en coïncidence avec son bien, et essayer de faire aussi abstraction et de s'affranchir de l'idée qu'on a du bien de l'autre. Oui. Prenons d'ailleurs une scène, pour passer à un contexte plus comique, une des scènes finales du Tartuffe de Molière. Vous vous rappelez quand Elmire et la famille d'Orgon ne peut arriver à le convaincre que Tartuffe est un hypocrite. Il faut que Elmire en arrive à la dernière extrémité, c'est-à-dire qu'elle s'offre en pâture à Tartuffe qui est prêt à la violer et qu'elle ait demandé à Orgon de se dissimuler sous la table pour que devant l'évidence, puisque là il est clair que les mots ne peuvent plus rien, et seule l'exhibition de la scène pourra en quelque sorte dire ce qu'il est. Et c'est seulement à ce moment-là que Orgon sort du dessous de la table de manière très spectaculaire en traitant Tartuffe d'hypocrite. Mais vous voyez à quel point les mots sont impuissants, ça ne sert à rien de parler. Alors bien sûr, pour le bien d'Orgon, il fallait parler. Toute la famille était convaincue qu'il fallait parler. Mais cette impuissance se heurte au roc d'une croyance, d'une opinion que rien ne peut mettre en cause. Et d'une certaine façon, à ce moment-là, pourquoi ne pas laisser la réalité trancher? Il y a beaucoup de morale dans la pièce de Molière. Oui. On se tait et on montre à l'autre de voir comment il réagit. Alors, de l'impuissance des mots à dire ce qui est parfois, jusqu'à la nécessité, non pas de ne pas tout dire, mais de savoir comment le dire. Et là, c'est aussi une des modalités de réponse à ce dilemme moral qui nous occupe. C'est pas simplement faut-il ou non le dire, c'est si on choisit de le dire, comment faut-il le dire? Par quel choix de mots? À quel moment est-ce que le tact entre en jeu? Faut-il accepter de mentir pour mieux dire la vérité? Je vous propose, pour répondre à cette question, de changer d'univers. On va quitter un instant la conversation amoureuse et amicale pour se retrouver dans une chambre d'hôpital en compagnie de Guy Bedos et de Sophie Daumier. Vous avez un ami malade, très malade. Vous allez lui rendre visite. Bien. Alors soyez naturel, discret. Frappez avant d'entrer. Dites. On peut entrer, c'est Philippe et Marie-Claire. Voilà qui est parfait. Et ne faites jamais d'entrée stupidement enjouée, faussement gaillarde, du genre... Toc toc, est-ce qu'on peut parler au cadavre? Mais pas comme ceci. Encore au lit à ce tarci de vous feignant. Non, pas ça. Je vais entrer, même s'il a une mine épouvantable, même s'il est au plus mal, ne me dites pas. Bonjour. Oh là là. Vous avez une tête. Oui, là. Et là. T'as vu sa tête, Marguerite? Tout n'allez pas épouser cette idée reçue qui veut qu'on soit franc, direct, brutal avec les malades. Même si vous savez la vérité, ne me dites pas. Nous sommes assez amis pour que je vous raconte pas de bobards. Vous êtes foutus. Ayez du tact, ne dites pas. Vous allez rire, je croyais qu'on arrivait trop tard. Évitez les phrases du genre. Allez, assez parlé de vos petites misères. Nous sommes tous appelés à faire notre valise un jour ou l'autre. Aujourd'hui, c'est vous, demain, ça sera moi. Pourquoi tu me passes? Pourquoi tu me passes? Pourquoi? Et oui, la morale est aussi affaire de langage. On l'aura compris en vous écoutant, Monique Cantos-Perver. Le plus fou, c'est que lorsqu'on s'intéresse à cet aspect du langage, eh bien, on peut en rire. On peut rire même de ce qui paraît être le pire. Oui, on en rit parce que ce qui est ici caractéristique, c'est une, au fond, c'est des scènes de dévoilement. Ni la personne à qui on s'adresse, ce malheureux malade dans son lit d'hôpital, ni ceux qui parlent, et nous avons un festival des propos qu'on nous conseille de pas tenir dans une chambre d'hôpital, surtout quand la personne est à la dernière extrémité. Eh bien, d'une certaine manière, c'est une scène de confrontation, de dévoilement. On est hors contexte, on est hors situation. On n'est ni le visiteur, ni la personne malade. Donc, on voit ça de l'extérieur et on voit ce qu'il y a au fond d'imposture et de calcul, de souci des convenances et même presque de tromperie de l'autre dans des scènes où tout semble se concentrer, ou pourtant la parole vraie a une telle valeur. Parce que là, on parle des personnes qui sont dans la chambre d'hôpital, mais on ne dit rien du malade. Ouais. Du malade auquel toutes les personnes qui vont le voir disent « mais tu vas t'en tirer, tu vas voir, on ira à la campagne la semaine prochaine, et puis on fêtera ton anniversaire ». Alors qu'il ou elle sait probablement qu'il n'en sera rien. Mais ça, c'est redoutable comme cas de figure, parce que là, on ne peut vraiment pas trancher. Faut-il ou non dire la vérité à un patient qui est condamné ? Eh bien, il faut avoir la modestie de n'avoir rien à dire. Simplement d'être là, de faire état de son amour ou de son amitié, d'être prêt à tout entendre. Mais parler dans ce genre de circonstances, on ne parle pas tellement pour l'autre. On parle surtout pour se rassurer, parce que ce qui réconforte le plus l'autre, c'est le fait qu'on n'oublie pas, qu'on soit là. Et donc, et par la présence même, qu'on donne du prix à cette relation et qu'inévitablement on mise sur son avenir. C'est ce message qui est entendu. Vous disiez tout à l'heure, comment parler à l'autre? Eh bien, je dirais plutôt s'adresser à l'autre de telle sorte qu'on n'ait pas à parler, c'est-à-dire l'amener à comprendre lui-même. Vous voyez, il y a tant de manières dans la négociation, dans des situations un petit peu difficiles, même il est arrivé d'avoir des entretiens compliqués, dans des situations tendues, socialement tendues. Vous faites en sorte que, au fond, la personne arrive à ce que vous voulez lui faire comprendre. Vous l'incitez à le penser. Y compris dans le cas du couple, là, vous dites. Y compris dans le cas du couple. Et si la personne ne comprend vraiment, vraiment pas, c'est qu'elle est attachée à cette croyance et que c'est pas la peine de l'attaquer de manière frontale. Il y aura beaucoup de dommages pour pas grand chose. Qu'il vaut mieux essayer de l'amener à rassembler en elle-même les éléments qui lui permettront de tirer la conclusion. Parce que nous, là, dans tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, nous avons fait l'hypothèse que celui ou celle qui est en face de nous ne fait que recevoir des informations. Or, elle ou il se livre lui-même à un gigantesque travail de mise en rapport, de comparaison, de déduction, de réfutation. Donc, c'est ce travail-là dans lequel la parole s'inscrit. La parole n'est pas envoyée sur une surface plane qui ne fait que recevoir. Elle s'inscrit dans une propre démarche que l'autre, en tant qu'autre, a à l'égard de lui-même. Et cette démarche nous est en partie opaque, bien sûr. D'une part, elle obéit à la manière, enfin, à des règles psychologiques communes à tous, mais d'autre part, elle est tout à fait opaque et c'est ce qui fait l'altérité. Quand on parle à un autre, et aussi justifié que semble sa parole à ses propres yeux, on ne peut jamais présumer de l'effet qu'elle va produire. Et ça, on l'oublie trop souvent, j'imagine, dans les situations morales, justement. D'ailleurs, quand on essaye de les examiner, on se met du point de vue de celui qui est en faute ou qui ment et de savoir est-ce qu'il doit dire la vérité. Mais au fond, le critère de sincérité, pour reprendre l'argument de Sénèque, n'est examiné que selon un seul cas, qui est celui de la personne qui parle. L'empathie ou la capacité de se mettre à la place d'autrui, qui devrait être nécessaire pour juger du bien fondé de l'aveu ou non, est quelque chose d'extrêmement difficile à faire et qui nous fait entrer dans une autre dimension, cette fois-ci, de l'éthique. C'est l'inter-individualité, c'est tenir compte de ce que nous avons fait, de ce que nous voulons dire, mais aussi de la manière qu'a l'autre de pouvoir recevoir ce que je m'apprête à lui dire. Est-ce que c'est à la mesure d'un homme de faire ça, ou d'une femme, enfin d'un être humain? Mais c'est tout l'essentiel d'un dilemme moral. Il n'est pas... instruit que par rapport à soi-même, ses obligations, l'idée qu'on a du bien des autres, du caractère positif des conséquences, ou de la manière dont on pourra se représenter son intégrité morale. Il a trait tout à fait à l'autre. Mais vous savez, il y a aussi, et dans la question de la franchise, de la parole, de la sincérité de la parole, c'est un thème qui revient constamment, il y a aussi des situations où on construit une forme d'impunité de parole, c'est-à-dire où certaines personnes ne s'adressent au fond, à aucun autre. Prenez les bouffons, par exemple, les bouffons dans tout le théâtre classique, dans le théâtre shakespearien, par exemple. Ils parlent, ils ont le droit de tout dire, ils ont en quelque sorte une franchise d'expression. Ils ne s'adressent à personne, ils ne parlent pas de la réalité telle qu'elle est. Mais ce qu'ils disent est une sorte de paquet de vérité. Et s'ils sont aussi utiles, c'est parce qu'ils permettent le plus souvent au souverain, qui a son bouffon, d'entendre des choses qui peuvent le faire réfléchir sans que ces choses lui soient adressées d'une certaine manière. C'est une situation fictive qui construit l'impunité, l'irresponsabilité de la parole. Et dans toute la tradition, il y a des figures de ce genre. L'innocent qui parle, celui qui est traversé par une voix qui le dépasse et dont il n'est pas responsable. La vérité qui parle par la bouche des enfants. Évidemment, les enfants, on ne les tient pas pour responsables. Ils sont censés ne rien comprendre à rien à la situation. Simplement, ils parlent parce qu'ils voient, sans s'adresser à personne, sans vouloir faire un effet sur quiconque. Donc, c'est quelque chose qui parle en eux. Et ces processus de révélation se retrouvent absolument dans toute l'histoire de la pensée, précisément oui. Pour remplir un besoin nécessaire qui est celle d'une impunité de la parole, d'une parole vraie qui ne s'adresserait pas à quelqu'un. La question se pose de savoir si cette réflexion sur la parole et sur le devoir de dire la vérité ne devient pas encore plus compliquée lorsqu'on s'intéresse à un contexte d'amour, de relation passionnelle, d'où la question, faut-il dire à son meilleur ami que sa femme le trompe, à la veille de son mariage ou pas d'ailleurs, ça rend la situation encore plus urgente, mais c'est une question qui traverse aussi quand même la littérature, la fiction qu'on retrouve dans les films, et notamment dans La recherche du temps perdu, lorsque le narrateur va découvrir qu'Albertine le trompait avec une personne du même sexe, comme l'extrait qui a ouvert cette émission, eh bien, il va s'en suivre chez lui une espèce de dilemme qui ne concerne que lui, qui est dicté par l'impossibilité de savoir où est-ce qu'il aurait aimé se situer, du côté de la vérité ou du côté de l'illusion qui le réconforterait. Voici donc l'extrait en question. Du vivant d'Albertine, je n'eusse pas osé demander à André des confidences sur le caractère de leur amitié entre elles et avec l'ami de Mademoiselle Vinteuil, n'étant pas certain sur la fin qu'André ne répéta pas à Albertine tout ce que je lui disais. Maintenant, un tel interrogatoire, même s'il devait être sans résultat, serait au moins sans danger. Je parlais à André, non sur un ton interrogatif, mais comme si je le savais de tout temps, peut-être par Albertine, du goût qu'elle-même André avait pour les femmes, et de ses propres relations avec Mademoiselle Vinteuil. Elle avoua tout cela sans aucune difficulté, en souriant. De cet aveu, je pouvais tirer de cruelles conséquences. D'abord parce qu'André, si affectueuse et coquette avec bien des jeunes gens à Balbec, n'aurait donné lieu pour personne à la supposition d'habitude qu'elle ne niait nullement. De sorte que par voie d'analogie, en découvrant cet André nouvelle, je pouvais penser qu'Albertine les eût confessés avec la même facilité à tout autre qu'à moi, qu'elle sentait jaloux. Mais d'autre part, André, ayant été la meilleure amie d'Albertine, et pour laquelle celle-ci était probablement revenue exprès de Balbec, maintenant qu'André avouait ses goûts, la conclusion qui devait s'imposer à mon esprit était qu'Albertine et André avaient toujours eu des relations ensemble. Certes, comme en présence d'une personne étrangère, on n'ose pas toujours prendre connaissance du présent qu'elle vous remet, et dont on ne défera l'enveloppe que quand ce donataire sera parti, tant qu'André fut là, je ne rentrais pas en moi-même pour y examiner la douleur qu'elle m'apportait et que je sentais bien causer déjà à mes serviteurs physiques, les nerfs, le cœur, de grands troubles dont par bonne éducation je feignais de ne pas m'apercevoir, causant au contraire le plus gracieusement du monde avec la jeune fille que j'avais pour hôte, sans détourner mes regards vers ses incidents intérieurs. Il me fut particulièrement pénible d'entendre André me dire, en parlant d'Albertine, « Ah oui, elle aimait bien qu'on aille se promener dans la vallée de Chevreuse. » À l'univers vague et inexistant où se passaient les promenades d'Albertine et d'André, il me semblait que celle-ci venait par une création postérieure et diabolique d'ajouter à l'œuvre de Dieu une vallée maudite. Je sentais qu'André allait me dire tout ce qu'elle faisait avec Albertine. Et tout en essayant par politesse, par habileté, par amour-propre, peut-être par reconnaissance, de me montrer de plus en plus affectueux, tandis que l'espace que j'avais pu concéder encore à l'innocence d'Albertine se rétrécissait de plus en plus, il me semblait m'apercevoir que malgré mes efforts, je gardais l'aspect figé d'un animal autour duquel un cercle progressivement resserré est lentement décrit par l'oiseau fascinateur, qui ne se presse pas parce qu'il est sûr d'atteindre, quand il le voudra, la victime qui ne lui échappera plus. Voilà un texte qui rassure les jaloux et les paranoïaques, non seulement parce qu'il donne raison au narrateur qui est très jaloux avant ce texte-là, et puis aussi parce que peu sont allés aussi loin dans la dissection des sentiments, de la jalousie, de ce que l'attitude de la personne aimée va avoir comme conséquence sur son propre cœur. On est là dans l'univers proustien qui repose à sa façon la même question, celle qu'on soulève depuis le début, Monique Anthos-Perber. Eh bien, le narrateur dispose à ce moment-là de son récit. Il lui manquait quelque chose, il y avait une lacune qu'il porte depuis très longtemps dans son rapport avec Albertine, et cette lacune vient d'être comblée. Il apprend la vérité. Oui, mais une vérité qu'il n'a cessé de soupçonner, et même dont il était convaincu, qui est même, je ne sais pas si des Proustiens nous écoutent, à mon sens, qui est à la racine de son désir pour Albertine. Il l'aime parce qu'il est jaloux. Il l'aime parce qu'il sait qu'elle aime les femmes. Rappelez-vous cette scène extraordinaire où le narrateur, adolescent, surprend une scène d'amour entre femmes, entre Mademoiselle Vinteuil et une amie à Montjouvain. Et lorsque, bien des années après, Albertine, dans le cours de la conversation, lui dit qu'elle connaît bien Mademoiselle Vinteuil, immédiatement, le narrateur, à ce moment-là, la conviction qu'il y a eu un rapport entre un lien physique probablement entre Albertine et Mademoiselle Vinteuil. Il tombe à côté de la vérité. C'est plutôt avec André, Mademoiselle Vinteuil n'a été qu'un élément intermédiaire. Mais et il est profondément ému physiquement par cette certitude, et c'est à la suite de cela qu'il prend la décision d'épouser Albertine et qu'il en parle à sa mère. Donc vous voyez, ce soupçon acquis très tôt, qui correspondait à un cheminement intérieur du narrateur, et que les actes où les propos d'Albertine est venu à peine alimenter, a juste déclenché et réveillé, est à l'origine même du désir, et dans toute la relation avec Albertine, cette quête, ce besoin de savoir, cette demande presque toxique, reste jusqu'au moment où elle est satisfaite. Et à ce moment-là, c'est celui qui vient de nous être lu, eh bien le narrateur est en quelque sorte en possession d'une histoire, mais qu'il a en partie forgée, qui n'est même pas l'histoire d'Albertine et qui n'est même pas l'histoire de sa vie avec Albertine. Mais ce qui montre à quel point la vérité qu'on apprend est une vérité qu'on a demandée ou qu'on a recherchée, et qu'on a recherchée pour des raisons qui sont souvent beaucoup plus obscures que le simple désir de la vérité. C'est une chose qui est très, très impalpable, mais très profonde dans les relations amoureuses. Quand on aime quelqu'un, me semble-t-il, on a une demande, on a une incertitude, on a une inquiétude. Forcément, il n'y aurait pas d'amour sans inquiétude. Et toute la relation, la plénitude de la relation comble cette inquiétude, mais d'une certaine façon la ravive. Et il est manifeste que certains n'arrivent pas à dépasser l'inquiétude. Et ensuite, surtout après la disparition tragique de l'aimé, vont de manière presque névrotique, obéissant à une pulsion aussi forte que le désir amoureux, rechercher le dernier mot de ce qu'ils ont soupçonné depuis le début, et qui était peut-être à l'origine de leur désir même, comme c'était le cas avec Proust. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, peut-être, vérité et désir ne font pas bon ménage ? Vérité et désir sont inévitablement liés. Comme le disait Platon, Philosophia, je recherche la vérité, je recherche la sagesse, mais je la recherche dans la chair du désir. C'est-à-dire, je n'ai que ça pour m'orienter vers la vérité. Je n'ai que un désir. Il y a un désir de la vérité qui est le plus puissant, qui est parmi les plus puissants des désirs. Mais ce qui est frappant dans le texte qui nous a été lu, c'est que il y a cette juxtaposition d'une recherche de ce qui s'est passé, de ce qu'il en était vraiment, avec d'une certaine façon une certitude qui est beaucoup plus au niveau du désir que de l'intellect, qu'on le sait déjà. Je me rappelle cette très belle phrase de Madame de Sévigné dans une lettre au duc de La Rochefoucauld, une lettre qui date des années 79, où elle dit « Ne laissez pas rire et parler ceux qui ont la gorge coupée et qui ne le savent pas encore ». On a l'impression de cela. Beaucoup de nous traversent l'existence avec, d'une certaine façon, la gorge coupée, c'est-à-dire ayant subi des torts dont on n'a pas encore conscience, mais qu'on pressent. Et la vie humaine, en général, fournit des occasions douloureuses où cela se révèle. Un dernier mot sur cette question, on aura compris. Vous avez répondu d'emblée, Monique Cantos-Perber, par la négative. Est-ce que vous avez une conclusion ou un dernier conseil à donner à ceux qui voudraient débattre autour de cette question ce soir, à l'heure du dîner? Eh bien, qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes, qu'ils gardent cette extraordinaire vigilance presque nietzschéenne sur les désirs qui sont inévitablement à l'origine de toute volonté de vérité. La volonté de vérité est sans doute la chose qui exalte le plus l'être humain, mais elle est pétrie de désirs à l'égard de soi-même, de désirs d'emprise sur l'autre, bien évidemment. Et surtout qu'ils sachent que ce qui fait la beauté des sentiments humains, c'est qu'ils se... que leur perfection est à construire, elle n'est pas donnée. Donc il ne faut pas hésiter à accepter sur les bords des scories ou des difficultés, comme disait Brassens, comme ne disait pas plutôt Brassens dans sa fameuse chanson « Il n'y a pas d'amour heureux », puisqu'il avait omis la dernière strophe du poème d'Aragon. « Il n'y a pas d'amour heureux », Aragon terminé, « Mais c'est notre amour à tous deux ». Et comme le dit Mieussec, toute pensée n'est pas forcément bonne à dire, il faut leur mettre un mort aux dents. S'il fallait se dire ce que vraiment, ça nous ferait peut-être rire, mais ça nous tuerait sûrement, car nos pensées sont tellement pires qu'il faut leur mettre à mort aux dents. Car si l'on veut un jour tenir, mieux vaut se mentir assez souvent. Moi je sais bien que je te ferais fuir si tu voyais ce que je pense vraiment. C'est vraiment un coup à frémir, un coup à claquer les dents. Merci beaucoup Monique Cantos-Perber d'être venue nous parler ce matin de dilemmes moraux et de nous donner des éléments pour essayer d'y voir plus clair. Je renvoie à votre livre « L'inquiétude morale et la vie humaine » aux éditions PUF, « Sans foi ni loi, amour, amitié, séduction » aux éditions Plomb. Et puis bientôt, on pourra lire de vous chez Albin Michel pour en finir avec la liberté d'expression. Vous reviendrez en parler, j'espère. Que c'est du vent, un truc pour ne pas en finir, tout seul jusqu'à la fin des temps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous demandez à quoi servent les livres de philosophie? Exactement. Alors, expression probable de son marxisme désabusé, Manchette, dans l'un de ses polars, confronte brièvement son héros à la bibliothèque d'un appartement bourgeois, et celui-ci note, de façon particulièrement mélancolique, que sont rassemblés ici les plus beaux fruits de 3 millénaires de pensée, comme dans l'appartement d'à côté et dans celui d'après. Tout Platon en GF, tous les présocratiques dans un folio, tout Kant en 2 ou 3 pléiades, le meilleur de Spinoza dans un vieux 1000 et une nuit à 10 francs, des Nietzsche un peu partout, un Gréco sur un Malebranche, un livre de Chuang Tzu égaré à côté d'une somme théologique découpée en une quarantaine de petits livres gris. Il n'y a qu'à se tourner vers sa bibliothèque pour être saisi de vertige. Les réseaux neuronaux les plus longs, les pensées continuées le plus loin, l'axone interminable de l'argument ontotéologique de Saint-Anselme, les dendrites étoilées communicantes de l'arbre de Porphyre, tout cela laissé à notre disposition comme des feuilles dans un herbier, des feuilles aux vertus souvent soporifiques et parfois hallucinogènes. Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a 2 idées. D'abord, il y a l'idée d'une possibilité de variation presque infinie, avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre,